brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison. Alors, Cartahu, qu'est-ce qu'on fait du cadavre? Ce qu'on fait du cadavre? Ou plus exactement, qu'est-ce que tu en fais? Moi, brigadier? Évidemment, toi! Je fais quelque chose du cadavre. Oui, maintenant, c'est toi que ça regarde. Vous êtes sûr? Forcément, puisqu'il est à toi. Il est à moi. Oui? Vous, il ne vous intéresse pas? Non. Dommage. Il m'intéresserait si j'avais trouvé. C'est bien ma veine. Alors réfléchis, tu as prévenu le juge de paix, le procureur de la République, le commandant de la section, bon? Ah, je dois prévenir tous ces gens-là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bête ou quoi? Quelle drôle de question! Tu débutes, c'est entendu, mais tu as quand même passé l'examen! On ne m'a interrogé que sur le refus de circuler, les débits de boissons et le vagabondage spécial. Tout ça m'est égal. En supposant qu'il y en ait un, qu'est-ce que tu fais du cadavre? Je donne ma langue au chat. Dis, si tu piochais un peu ton manuel, hein? Ne pas déplacer le corps, empêcher qui que ce soit d'y toucher. Notez minutieusement l'état des... Oh non, ça ne peut pas être ça. L'état des lits? Ah, naturellement, l'état des lits, que je suis bête. Très important, l'état des lits. L'état des lieux, espèce d'enflée. Mettre en lieu sûr les objets, papiers, valeurs, utiliser le garde-champêtre. Pour rechercher et faire venir l'été. L'été terrassier. Qu'est-ce qui m'a foutu une andouille pareille? Mais pourquoi est-ce qu'on fait venir les terrassiers? Je pensais peut-être pour creuser. Ah, pour creuser, hein, pour creuser. Les témoins, gourdaille. Ah, les témoins, c'est pas bête. Il y a encore rien de tel que les témoins. Ouais. Ensuite, lorsque l'on a enregistré la déposition de tous ceux qui peuvent éclairer la justice, Établir un croc. Oh, alors là, je ne cherche même pas. Un croquis détaillé. Ah, un croquis détaillé. Faut savoir dessiner aussi. Un gendarme doit savoir tout faire. Mais on trouve beaucoup de cadavres dans le pays. Jamais. Eh ben, tant mieux. Malheureusement. Alors, c'est peut-être pas la peine de se crever à apprendre tout ça. Ça, il suffit d'un coup de chance, hein. De chance? Mais mon pauvre vieux, le cadavre, c'est le bâton de maréchal du gendarme. Donne-moi un bon et je suis maréchal des logis dans les 8 jours, moi. Seulement ici, malheureusement, hein. Peau de balle. Peau de balle. Voilà 10 ans qu'on m'a nommé ici. En 10 ans, même pas un suicide. Qu'est-ce que tu veux? C'est le petit vin gris qui veut ça, la chasse et le petit vin gris. Ici, il y a que des types qui s'en foutent. Ainsi voyez. Ils s'engueulent, ils s'envoient des marrons, mais ça va jamais plus loin. Avec une forêt comme celle qu'ils ont, c'est à peine croyable. Ben tant pis, hein. En 10 ans, on n'a eu que 3 attentats à la pudeur. Et encore le deuxième, on n'est pas sûr. Oui, oui. Mon père. Ah, oui. Mon père. Mon père. Mon père aussi était gendarme à Quélus. Il paraît que de son temps, c'était encore pire. Ainsi voyez. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes, quoi. Remarque, ça a son bon côté, hein. Ben oui. Pas pour l'avancement. Ben non. Nous avons droit à un voiturier sans lanterne, à un incendie de meule de paille et à un colporteur qui vend des livres obscènes. Obscènes. Cochon, si tu préfères. À propos, où est-ce que tu les as mis? Ils sont là. Il faut les envoyer immédiatement au parquet, hein? Sans les lire? Dis, tu ne te trouves pas assez abruti, non? Oh, celui-là a l'air rudement intéressant. Fais voir. Les damnés de la chair. Allez, hein. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, hein? Ah, hein, ça pour être cochon, c'est cochon, hein. C'est cochon, mais c'est bien rendu. Cette pauvre marquise, qu'est-ce qu'elle déguste? Dis, n'oublie pas, on a 40 km à faire à cheval, hein. Faire à cheval. C'est très instructif. Tu vas les empaqueter immédiatement. Je ne tiens pas à ce que ma femme les trouve ici. Je ne peux pas garder celui-là. Il n'en est pas question. Loi du 2 août 82. Excusez-moi, brigadier, un pli de la section, urgent. Donnez, Tabarro. Ah, dites-moi, Tabarro. Je vous demande de supprimer votre procès verbal contre mon ami Robillard. Mais voyons, chef, il m'a traité de guignol. C'est toléré. De grandes saucisses. Toléré. De foutu bête. De foutu bête, oui, je sais bien. Je crois qu'il vaut mieux tolérer. Et pour finir, de va de la gueule et peut-être de l'art. Dites-moi, Tabarro, en votre âme et conscience, était-ce de la discussion ou de la diffamation? En mon âme et conscience. En mon âme et conscience, je ne sais pas. Bon, alors, Tabarro, tolérons. Il a insulté l'homme. Bon, c'est regrettable, ça, mais il ne s'en est pas pris aux gendarmes. Il m'a quand même traité de guignol. Ben, et alors? J'ai nettement l'impression que dans son idée, il s'en référait à mon uniforme. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Alors moi non plus, à plus forte raison. Méditez, méditez ce que vous venez d'entendre. Certainement, brigadier. Merci, Tabarro. De rien. Merci. De rien. Fix. Merci, Tabarro. C'est à moi de déjeuner. Vous pouvez disposer. Merci. Ah, et la réponse? La réponse. La réponse au pli? La réponse au pli. Oui, la réponse au plomb. La réponse au pli. Michalet et Chasselas attendent la réponse au pli. Michalet et Chasselas attendent la réponse au pli. La réponse au pli. Ah, excusez-moi, je vous demande pardon. Nos affaires intérieures me l'avaient sorti de la tête. Ah, c'est du lieutenant Combemesse. Nous avons 40 km à faire à cheval. Ah, le salaud! Messieurs, je vous demande d'oublier ce cri qui vient d'échapper à ma colère, mais peut-être Tabarro pourra-t-il me comprendre. Ils ont muté Dagobert. Dagobert? Dagobert. Dagobert, votre cheval? Votre cheval s'appelle Dagobert? Il est né à la Saint-Éloi. Mais voyons, brigadier, on ne peut pas vous faire ça! Votre cheval, c'est un autre vous-même! Non, non, vous avez bien dit, un autre moi-même. Un frison avec des pâturons d'une finesse et la plus jolie robe du monde, une robe couleur du temps, jaune dans le soleil et grise sous la pluie. Oh. Ils vous ont muté, Dagobert. Mais non, mais quelle honte! Comment tu sors? Bah, tu vois? Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bouleversé. Je vais vous expliquer. Si tu nous fous ça, un peu la paix, hein? Ah, c'est vous le nouveau. Gardez-le. Edmond. Pour les dames. J'ai connu un garde à vue dans le temps, Marseille, tout à fait votre genre. Il avait trois négresses qui travaillaient pour lui derrière la voûte. Ce n'était pas moi. Non, ça, c'était pas lui. Un de vos parents, peut-être. Ne t'inquiète pas, je blague toujours. Célibataire. Oui. J'aime mieux ça. Pas de bon ami. Oh, je suis arrivée ce matin. Et à Romorantin. Non. À Blois. Non plus. À la mode. Pas davantage. Vois ce que c'est, vierge. Tout de même pas. Menteur, alors! J'aime mieux ça! Non, mais tu l'as abruti, ce malheureux, alors! Je m'appelle Cora. Bonjour, Madame Cora. Oh, pas Madame Cora. Cora ou Madame? Madame Cora, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Bonjour, Madame. Ici, on travaille en copain. Alors, si vous avez besoin d'un raccommodage ou d'un blanchissage express, vaut mieux vous adresser à Madame Tabarro. Ah oui, ça, il vaut mieux. Mais si vous avez envie de dîner un soir de cafard en famille, invitez-vous ici parce que chez les Tabarro, hein. Ah, oui, oui. Ma femme n'a pas du tout le sens de la cuisine. Non. Non, non, non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de bonne amie? Sûr. Mais enfin, je ne comprends pas ton insistance. Bah, c'est dans ton intérêt. Dans mon intérêt? Ah, oui, quand tu verras qu'Aquilus, il n'y a plus elle et Châtelaine. Oh, vous m'excusez, Tabarro. Ah oui. Ma femme fait beaucoup plus que son âge. Ouais. J'aime mieux mettre les choses au point. Mais elles sont au point. Enfin, ce garçon m'a été recommandé par son père. Il va pas... Pas tout de suite, évidemment, mais après 6 mois de vertu. Comme il n'aime pas dans les environs, qu'il ne sera pas reçu dans les châteaux, que la femme de Guéritaine couche déjà avec Trébizou et qu'il me verra toute la journée. Bah, et le sens du devoir, alors qu'est-ce que tu en fais? Après 6 mois, ne me fais pas rigoler. Elle blague. D'autant plus que moi, je plais ou je plais pas. Mais quand je me mets à plaire, c'est de la folie. Exact. J'en suis sûr. J'ai fait 2h10 de jujitsu avec un bonhomme qui voulait me coucher sur le talus. 2h10, comme le chef de M. Seguin. J'ai été sauvée par une patrouille juste au moment où ça m'aurait amusé de céder. Elle blague. Oui, je blague. Vous êtes très blagueuse. Alors pour la gaudriole, je m'en tiens à mon Lecoq. D'autant qu'il a un nom qui cause. Alors copain, copain, et pas de rêverie. J'ai compris. Et ne me demandez pas si j'ai une sœur, on sait ce que ça veut dire. Je ne demande rien. Bah, tant mieux parce que j'ai pas de sœur. Et bien que ça n'ait aucun rapport, j'ai pas de père non plus. Mais comment tu sors? Bah, tu vois. Et notre sou par union. Tu vas pas nous laisser partir retourner le ventre vide. On a 40 km à faire à cheval. À faire à cheval. Trop tard, hein, trop tard, trop tard, trop tard. Mais c'est justement du gruyère que je vais chercher. Mais tu vas te mettre en retard, tabaron. Naturellement. Ma femme se fera un plaisir. Ah, dites donc, chef, qu'est-ce que je leur dis à Michel et à Chastapone? De m'attendre. Que je leur donne l'ordre de m'attendre. J'avais tout. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Cora, ça ne te regarde pas. Non, Cora. Dis donc, c'est cochon! Oh, dis donc, oh, qu'est-ce qu'elle déguste, cette pauvre marquise? Oui, hein? Cora, je t'en prie! Pour être cochon, c'est cochon. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. J'aurais pas voulu connaître ce marquis de Belleferrière. Un type qui fouette sa femme après lui avoir fait l'amour, moi je vous le dis, c'est un paysan. Elle blague? Oui, elle blague, hein? Blague. Elle blague, hein? Blague. Ah, ça, pour blaguer, elle blague, hein? Blague. Je t'avais dit d'empaqueter les livres. J'allais le faire, brigadier, je ne pouvais pas prévoir. Un gendarme doit tout prévoir. Bien sûr. Tout! Tout! Par exemple, tu surprends un braconnier en flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais? Un braconnier en flagrant délit? Oui, je sais. Tu notes minutieusement l'état des lits et tu vas chercher les terrassiers. Mais à part ça... Bon, brigadier, vous êtes nerveux parce qu'on vous a enlevé votre cheval? La question n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je l'ignore. Naturellement. Mais je sais par exemple que le jeu de bonneton loyalement pratiqué ne tombe pas sous l'application de l'article 405. Eh bien, tu vois, ça te sera très utile dans la forêt de Télus. Ça, oui. Et aussi que si le suspect est une femme, on n'a pas le droit de la fouiller ni d'assister à la fouille. Tu sais ça aussi? Ben, n'est-ce pas, j'ai d'abord appris ce qui m'intéressait. Mon garçon, je ne pense pas que je vais pouvoir te garder ici. Même si je vous promets d'étudier le reste. Tu es feignant, goguenard, beaucoup moins intelligent que tu ne le penses. Genre casseur d'assiettes et mains qui traînent partout. Je ne me permettrai pas. Mais tu ne te plairas pas, Achillus. Non, toi, ce qu'il faut, c'est la grande ville, Vendôme, Montrichard. Un jupon dans chaque rue. Excusez-moi, brigadier. J'ai peur que vous vous énerviez trop vite. Je n'ai pas encore 6 mois de vertu. Je viens d'arriver. Et Madame Lecoq n'est pas du tout mon type. Elle blague trop. Tu me plais, toi, hein? Tant mieux, c'est réciproque. Tu viens de me rappeler ton père, hein? Quelle vache c'était, hein? Oui, oh, il n'a pas changé. Non, j'ai le tort, je sais pas ce qui m'a pris. T'as eu raison de remettre les choses en ordre. Non, tu vois, évidemment, pour toi, l'idéal, ça serait la femme de Ribérol. Ribérol? C'est le garde-chasse. Ah oui? D'abord, elle est ravissante, et puis c'est un salaud. Oui, mais elle couche. Pas encore, seulement, elle est malheureuse. Ça ne suffit pas toujours. Et, s'il faut qu'on te les prépare... Je n'en demande pas tant, brigadier, mais je suis sûr que ce Ribérol doit manier son fusil comme Buffalo Bill. Bon, je te dis qu'on n'en parle plus. N'oubliez pas, brigadier, que le meurtre commis par l'époux sur le suspect, sur le complice, est excusable. Article 324 du Code pénal. Et vous pensez bien qu'il ne se gênerait pas. Je vois aussi que tu as appris ça. Attentivement. Pauvre Ribérol. Espérons-le. Mais qu'est-ce que t'as à vouloir sortir tout le temps comme ça? Je vais chercher mon gruyère. Cette idée de demander ça au tabaron. Voilà le gruyère. Je vous remercie, tabaron. Je sais bien que ça doit vous faire de la peine, mais vous devriez quand même aller le voir, brigadier. Qui? Dagobert. Je voulais pas qu'on t'en parle. Il est malade? Pire. Combemès me l'a muté. Mon pauvre bonhomme! Oh, tu as mal, hein? J'essaye de pas trop y penser. Vous nous excusez? Je suis stupide, mais je peux pas supporter de te voir malheureux. C'est vrai. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi? N'importe quoi? N'importe quoi? N'importe quoi? N'importe quoi. Je t'attends. Comment tu m'attends? Je suis malheureux et je t'attends. Tu m'as déjà attendu 2 fois ce matin. Ah, je suis malheureux? Oh, mais c'est épouvantable, tu es un damné de la chair, toi aussi. Ah ouais. Ah ouais, je suis comme la marquise. Quelle heure est-il? 11 heures. Alors non. Et pendant que nous y sommes, perds cette habitude de me jeter sur le lit comme un sauvage. Ou alors fais attention au mur. T'as encore mal au crâne? Ah oui, j'ai une bosse comme un coquetier. Je te demande pardon. C'est comme ton ceinturon. Je sais, le ceinturon tu m'as déjà dit, je sais. Perds aussi cette manie de serrer les dents, je les entends grincer. On dirait que tu m'en veux. Mais je t'en veux, vraiment. Sans blague. Je t'en veux d'avoir tellement besoin de toi. Oh, tu dis quelquefois des choses très gentilles. Cora. Une dernière chose encore. Mais peut-être la plus importante. Je ne veux plus que tu me tapes sur les fesses. Mais Cora. Prends-le comme tu voudras. Je ne veux plus. Enfin, Cora, mais je n'en avais pas l'intention, au contraire. Au contraire. Enfin, si tu savais comme je les admire. Oh, c'est trop, ça, c'est trop. Comme je les respecte. Oh, c'est beaucoup trop. Elles sont tellement inouïes. Inouïes, oh non, amusantes tout au plus. Ah, je t'en prie, hein, n'en parle pas sur ce ton. Pardon? Quel esprit, quelle drôlerie, quel panache. Oh, quel panache! Je te jure, c'est à vous dégoûter les statues. Eh ben, mon vieux. Tu sais pas ce que tu as là, hein? Bah, j'avoue que non. Oh là là. Oh là là là là là là là là. Mais tu as dit que t'aimais bien mes yeux aussi. À ce moment-là, je ne savais pas. Quoi? C'était pendant les fiançailles. Tu n'aimes pas mes yeux? Si, mais. Mais à côté d'elle, alors. Non. Encore heureux qu'ils ne leur fassent pas trop de tort et qu'ils ne soient pas du même côté. Oh ben dommage que j'ai à faire, je serais allé leur jeter un coup d'œil tout de suite. C'est à peu près ce que je te proposais. Le coq, il y a deux hommes en toi. Oui. Un qui pleure sur Dagobert et qui conserve des fleurs séchées dans le manuel du service intérieur, et puis l'autre, celui du ceinturon et du coquetier. Malheureusement, le premier me cache aussi bien ses embêtements que ses jolis gestes. Et pendant ce temps-là, ferme cette porte, tu m'agaces! Et pendant ce temps-là, je me fais esquinter par le second. Cora. Un bon conseil. N'oublie pas trop que c'est l'homme à la fleur que je préfère. Mais elle a trouvé le moyen de partir. Cora. Allons, Cora. Brigadier, Madame de Quélus demande à vous parler. La comtesse? Oui, je lui ai dit que nous devions partir en tournée dans une heure, que vous aviez beaucoup à faire, mais elle a tellement insisté. Fais-la entrer. Bien, chef. Entrez, madame. Bonjour, brigadier. Bonjour, madame la comtesse. Je suis désolé, Cora vient de sortir, vous ne l'avez pas rencontrée. Ce n'est pas à votre femme que je veux parler aujourd'hui. C'est à vous. Ah. Vous pouvez disposer, Cartahu. Monsieur n'est pas de trop. Je viens porter plainte. Ah, c'est très urgent. Très. Dans une heure, je serai morte. Morte? Asseyez-vous. Bon, je vais avoir le temps de me reposer. Morte? Mais comment ça, morte? Assassinée. Assassinée, vous êtes sûre? Positive. On vous a prévenu? Oui. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Moi, je n'aurais pas prévenu. Qui vous a prévenu? L'assassin. On vous a menacé? Non, on m'a appris la chose. Ah, je ne comprends pas très bien. Ce matin, pendant le petit déjeuner, mon mari m'a annoncé qu'il me tuerait. Oh, madame la comtesse, on dit ça... Très rarement. Non, c'était une plaisanterie. Non. Alors, un mot un peu vif. Un peu. Il a dit 5 ou 6 fois de suite, je te tuerai. Et comme il avait peur que je n'ai pas bien compris, il a ajouté, je fermerai tes yeux, je les fermerai. Il faut vous dire qu'il n'aime pas mes yeux. Il a tort. Il paraît qu'il ne sait pas les lire. Ah! Ce n'est pas de sa faute d'ailleurs. Je l'en empêche. Ah, on peut! Je peux. Depuis quelque temps, je peux très bien. Mais la question n'est pas là. Et en effet. Je ne suis pas venue pour vous raconter ma vie conjugale. Je suis venue vous prévenir. Ce soir, je serai morte et vous saurez qui m'a tué. Enfin, madame la comtesse, vous ne parlez pas sérieusement. Monsieur le comte n'est pas... Selon son expression, monsieur le comte me fera éclater la tête comme une groseille à maquereau. Comme une groseille à maquereau? Il a organisé une partie de chasse à Malgarde et il a beaucoup insisté pour que je vienne. Il m'attend déjà, derrière un buisson, le doigt sur la gâchette, vous pouvez être sûr. Allons, voyons, voyons. Il faut écrire, brigadier, ce que je dis, il faut l'écrire. Sans ça, il n'y aura pas de preuve que je l'ai dit. En Grèce, on écrit. Ah, en Grèce, on écrit? Oui, je suis grec. Ah, vous êtes grec et on écrit en Grèce? Mais, madame la comtesse, je ne sais pas si je dois vous croire, vous parlez de tout cela si légèrement. Parce que ça m'est égal! Parce que tout ça m'est tellement égal! Faites bien les fermer, mes yeux. Pour ce qu'il voit. Carte à U, écrivez. Qu'est-ce que je dois écrire? Tout ce que Madame la Comtesse a dit. Assez sérieux? Oh, pas pour moi. Il va venir tout à l'heure vous dire. Brigadier, un épouvantable accident. Et il pleurera peut-être. Car il m'aimera peut-être. Quel monde? Seulement vous lui rirez au nez. Parce que vous saurez tous les deux que ce n'est pas un accident. Mais enfin, Madame la Comtesse, vous ne pensez pas que Monsieur le Comte va s'amuser à... Enfin, vous ne pensez pas qu'il va commettre la folie de vous tirer dessus, sachant que vous nous avez prévenus. Je ne lui ai pas dit. Je veux qu'il me tue. Et qu'il soit puni. Et que moi, je sois débarrassée de cette vie. Bon, eh bien, écoutez, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, je cours à Malgarde, je lui dis que je suis au courant de tout, et je vous prie de croire qu'ils veulent se tenir à carreau. Je vous le défends. Vous tenez absolument à ce qu'il vous tue. J'y tiens. Mais il ne faut pas être entêté comme ça. Vous me croyez folle? Cette envie que j'ai de mourir vous fait rire. Je ne ris pas. C'est pourtant la seule chose que je désire. J'ai hâte qu'il me tue au bout de son fusil, pour ne plus voir ce que j'ai vu, pour ne plus mépriser personne, pour ne plus avoir mal, pour ne plus vivre. Madame! Oh, que voulez-vous, je ne suis pas française. Je n'ai pas su apprendre à être malheureuse, gentiment. Mais madame! Il ne me croit pas! Il croit que j'invente cette histoire! Adieu, brigadier. Dans une heure, vous saurez tout. Mais je ne pourrai plus entendre vos excuses. Monsieur Kills! Daphné, c'est vous que je cherchais. J'ai vu votre cheval devant la porte. Tout à fait par hasard, n'est-il pas vrai? Pas tout à fait. Vous m'espionnez? Je ne vous espionne pas, cher ami, je vous observe. Où que je sois, vous me guettez. Je vous regarde. Pourquoi êtes-vous ici? Je supposais que vous étiez venu demander l'assistance de ces messieurs. Je suis ici pour rappeler à Lecoq que vous avez des protecteurs naturels. Merci. Vous, peut-être? En effet, peut-être moi. C'est justement de mes protecteurs naturels que je désire être protégé. Je vois bien que j'ai le grand malheur de vous déplaire. Plus que vous ne sauriez le croire. Enfin, pourquoi je vous suis tout à fait dévoué? Jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à la mienne. Je ne comprends pas. Vous parlez trop, Sébastien. Moi? Beaucoup trop. Et pour dire des choses si laides. Expliquez-vous. Ah, comme je vous haïrais si je vous aimais. Daphné! Heureusement, dans une heure, j'en aurai fini avec vous. Et avec le reste. Que voulez-vous dire? Messieurs, je compte sur vous. Adieu, Sébastien. Pour ce qui doit se passer, il vaut mieux que vous ne soyez pas avec moi. Madame de Caylus est très nerveuse. N'attachez pas trop d'importance à ce qu'elle a pu vous dire. Je vous remercie de vos bons conseils. Je vais essayer de lui parler. C'est ça, essayez. Oui, je crois qu'il vaut mieux ne pas la laisser seule. C'est assez mon ami. Bonjour. Mais brigadier, c'est de la folie. Quoi donc? Il fallait l'arrêter. Il va en faire de la groseille à Macron. Lui, jamais de la vie. Ce n'est donc pas Monsieur de Caylus? Non, non, non. Il y a deux Monsieur de Caylus, deux frères. Celui-là n'est pas le bon. Le bon, enfin, je veux dire l'autre. Il s'appelle Hector. Ben, d'après ce qu'il disait, j'aurais cru. Oui, elle a l'air de détester aussi celui-là. Et vous m'espionnez? Non, je vous observe. Comme je vous haïrais si je vous aimais. Je me demande ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Vous ne croyez donc pas tout ce qu'elle raconte? Un gendarme ne doit jamais rien croire tout de suite, parce que il est plus facile de tromper que de ne pas se laisser tromper. Oh, que c'est fort! Oui, j'ai beaucoup pensé à mon travail. Et alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien elle a menti et il n'y a rien à faire, ou bien elle a dit la vérité et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois rigoler? Quoi? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que je dois rigoler? Je ne te le conseille pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le pays n'est pas si tranquille que ça. Brigadier, il y a Ribérol qui veut vous parler. Il est seul? Bah oui, naturellement. Et dommage, ça m'aurait amusé de voir sa femme. Qu'il entre. Bonjour, mon vieux. On peut parler devant celui-là? On peut. Alors, je te préviens, va y avoir des coups de fusil. Où ça? Dans un coin de par ici. Je vais y faire péter la calebasse. À qui? Auquelus. Auquel de Quelus? À Lector. Et pourquoi ça? Article 324 du code pénal. C'est celui dont je vous parlais. Il a couché avec ta femme? Il essaie. C'est pas suffisant. Mais faut peut-être que j'attende qu'il ait réussi. Ça vaudrait peut-être mieux. J'attendrai pas. T'auras peut-être tort. J'attendrai pas, je te dis. Je veux pas être cocu. Ça, c'est ton affaire, hein? Ça ne me dit rien. Des goûts et des couleurs? Ça s'y ferait péter, tu peux en être sûr. Il va rien péter du tout. Mais pourquoi donc ça? Parce que si t'y fais péter la calebasse, moi je te fends en deux avec ma pétoire. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tu prends pas ça, dis. Je vais me gêner, non? Bon, écoute, le coq, sois raisonnable. Le premier qui touche à ma femme ou qui essaie d'y toucher, je vais t'en aider. Oui, tu me l'as déjà dit, oui. J'ai bien prévenu tout le monde. Oui, alors ça, oui. Pas vous, peut-être que vous n'étiez pas là, mais voilà qu'est fait. Merci. Alors, Lucellus se croit tout permis parce qu'il est le châtelain? Mais c'est fini le droit de cuissage! De jambage, s'il te plaît! Il l'a caressé dans son foyer, comme nous! Oui, surtout avec une femme aussi jolie, hein? D'autant plus qu'il a déjà Madame de Valgarde. Non, c'est pas possible. Et la femme de votre collègue Guéritaine? Ah non, alors là, je t'arrête, elle, c'est très bisou. Parfaitement, très bisou aussi. Sans compter les servantes de sa femme. Franchement, elle exagère, hein? Et les servantes de sa femme? Toutes les quatre? On n'est pas sûr pour Léonie. Ah bah tant mieux, je suis bien content. Ah, ça lui en fait tout de même cinq, sans compter la sienne. Quelle mentalité, hein? Alors quand je pense qu'il lui faudrait en plus Suzanne Ribérol... Ah, évidemment, hein. En sixième position... Oui, il y a du vrai. Alors tu comprends, moi je dis non, carrément. Non, tu sais, non, je ne savais pas, hein, ça n'est pas tellement de mon sort, hein. Mais je t'en veux pas. Mais laisse-le-moi crever. Il en est pas question. Ça serait pas béni. Tiens, t'as eu? Excuse-le, c'est à nouveau. Très sympathique, ce garçon. C'est vrai, il lui faut toutes. Je dirais que je l'ai pris pour un maraudeur. Nous avons un pays tranquille, il restera tranquille. Ou pour un braconnier. Tiens, on dit un braconnier, ça serait tendant, non? Ribérol, je ne voudrais pas te faire de la peine, mais si tu cherchais à rendre ta femme un peu plus heureuse, on chercherait moins à te la prendre. Je rends pas ma femme heureuse. On dit ça. Ces choses-là ne sont pas de ton sort. Au revoir, Ribérol, et pas de coup de fusil, hein? Ou alors... Fais bien attention, Lecoq. Fais bien attention! Tu me menaces? Si ma femme y passe, il ne restera plus que la tienne, Auquelus. T'inquiète pas pour Cora, hein? Je m'inquiète! Et à ta place, je m'inquiéterai, parce que si Suzanne n'y passe pas, ce que j'espère malgré tout, il va s'occuper de Cora tout de suite. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Bonjour, Ribérol. Vous parliez de moi? Ah non, non, dans mon histoire, le loup, c'était pas vous. Je devrais peut-être pas rire, chef, comment c'est bon. Non. Pour en revenir à ce que je disais, Quelus ferait bien mieux de s'occuper de ses affaires personnelles. Lorsque j'ai vu sa femme l'autre jour au chêne travers... Et alors? Sa bouche était rudement prête, celle du petit beau-frère. Ah ah! Quoi? Ah ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ah! Ça veut dire qu'il est plus facile de tromper que de ne pas se tromper. C'est ce que je m'esquinte à t'expliquer! Et vous avez raison! Parce qu'un type comme vous, on pourrait se tromper 12 fois par jour sans effort! Si c'était pas la fatigue physique. Vous croyez? Mais regardez-vous et écoutez-vous. Et tu laisses ça baver sur Madame de Quelus. Un gendarme doit tout entendre. Écoutez, Ribérol, je n'ai jamais pu vous sentir et je sais que vous le savez. Seulement, je vous préviens. La prochaine fois que vous parlerez contre Madame de Quelus, je vous retournerai la tête avec une mornifle. Être giflé par vous, mais ce sera encore un peu de bonheur. À bientôt! Tu ne vas pas le croire. Ben c'est que ce baiser expliquerait tout. Ce baiser ne t'a pas dit qu'il s'était embrassé? En effet, mais comme... Même ce salaud n'a pas osé te le dire, et toi tu le penses? Tu sais, il s'est passé tellement de choses depuis que tu es sorti. Oh, mon pauvre Dieu, quelle chose! Mais ne sois pas nerveuse, des choses qui ne te concernent pas. Qu'il se soit embrassé, il ne suffit pas que ça corresponde à ta théorie. Mais pourquoi dis-tu ça, hein? C'est pas gentil. Je suis sûre qu'il n'y a rien entre ces petits Quelus. En tout cas, s'ils avaient envie de s'embrasser, je ne vois pas pourquoi ils seraient allés s'installer sous le nez de Ribérol. Rien qu'au château, je connais au moins 7 cachettes magnifiques, quand ce ne serait que les oublier. Ah, je vois ce que c'est, il ne faut pas toucher à sa comtesse. Quand elle a dit Madame de Quelus, elle a tout dit. Oui, parce que c'est une gentille, une malheureuse. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Elle avait la figure de quelqu'un qui va mourir. Du haut de son cheval, elle m'a crié « Adieu, j'ai pensé à vous dans mon testament. Je crois que vous serez contente. » Son beau-frère était avec elle? C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, il n'était pas avec elle. Et pourtant, Ribérol les a vus au chêne travers. Moi, je te dis que c'est pas possible. Mais on dirait que ça te fait de la peine qu'ils se sont embrassés. Oh, tu es gendarme, reste gendarme. Parce que si tu veux faire le policier, moi, je t'avertis. Je retourne chez ma mère. Il faudrait d'abord qu'on sache où elle est. C'est ça. Insulte maman! D'abord, as-tu mis tes caleçons longs? J'ai dit pas avant le 1er octobre. Alors ne te plains pas si tu reviens avec une bonne fluxion de poitrine. Mais ne nous égarons pas. Je te demande si ça te ferait de la peine s'il s'était embrassé. Et moi, je te réponds qu'une femme qui vient de faire son testament ne pense pas à la gaudriole. Tu te trompes, comme d'habitude. Quand je me trompe, j'ai mes raisons. Oh, que c'est fort! Mais l'autre en doute, tu trouves ça fort? Je croyais qu'on était copains. J'ajouterais même que pour un gendarme, il vaut mieux se tromper avec tout le monde que d'être intelligent tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh ben, bon, regardez, je viens manger la soupe. Oh! Ah, la soupe! La soupe! La soupe à l'oignon, il est 11h30. Évidemment, elle sera pas prête, hein. Allez, mettez la table, je vous la porte. Qu'est-ce que vous voulez, brigadier? Moi, j'adore la soupe à l'oignon. Surtout celle de Madame Lecoq. Ça, c'est la meilleure de Sologne, hein. Ouais. Vous allez vous en rendre compte, mon cher. Oh, j'ai fait des bassesses pour en être. J'y monte, il y a ma femme. Je me suis engueulé avec tes bisous et je vais être obligé d'assurer la permanence de nuit jusqu'à dimanche. C'est vous dire. Qu'est-ce que faire sauter comme ça? Je ne peux pas m'en empêcher. C'est à cause de ce qu'on nous a raconté ce matin. Oh, je la sens d'ici. Respire-moi ça. Respire ça, imbécile, quoi, enfin. Mais où avez-vous trouvé un pareil cordon bleu? Cora est de Paris. Ah, de Paris? De Paris. De la rue des Gravilliers. Eh ben, dites-vous. Seulement, je l'ai connu à Blois. Ouais, un jour qu'il m'a sauvé. Oh, sauvé. Oh. J'étais déjà sous les chevaux du courrier d'Andoise. Elle était déjà sous les chevaux du courrier d'Andoise. Bravo, brigadier. Ah, merci. C'est une question de service, elle entravait la circulation. Hein. Ah, ouais. Faites pas le modeste, brigadier. Allez, allez, la soupe prend pas dit, hein. Un petit peu. Oui, à propos de sauvetage et de Lecoq, il aurait pu y laisser sa peau, c'est entendu, mais le plus difficile lui restait à faire, parce que la diligence, je m'étais un peu jetée dessous. Comment? Vous avez voulu mourir, vous? Il n'y a pas de gens qui veulent mourir, il n'y a que des gens qui veulent plus vivre. Décidément, il joue avec nos nerfs. Si tu tenais un peu tranquille, non? Excusez-moi, chef, c'est plus fort que moi. Je me demande chaque fois si c'est la calebasse ou la groseille à macro. Qu'est-ce qu'il dit? Décidément, on ne peut rien déguster dans des conditions pareilles. Bon, dites donc, on y va. Bénissez notre soupe à l'oignon. Et celle qui l'a faite. Amen. Alors? Oui, oui. Oui, c'est tout ce que tu trouves à dire, oui? Elle est fameuse. Tabarot. J'ai peur d'aller trop loin. Avec ma rude franchise de soldat. Parler sans crainte? Je peux pas appeler ça une soupe à l'oignon. C'est plutôt une espèce de potage. Hein? Vous m'excusez? Je vous en prie, trop de gruyère ou pas assez de gruyère? C'est plus grave que ça. À ce point-là? Cora, toi, Cora, toi. Je te demande pardon. Votre femme aurait pu faire cette soupe-là. Non. Si, si, si, non, si, non, si, non, si, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, C'est épouvantable. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous n'avez pas raconté ça, hein? À personne, chef. Non. Ah, bah voyons, chef. Bah, je vous remercie. Je suis assez punie comme ça. Nous avons été trop durs. Ah oui. Ah oui, la connaissant comme je la connais, elle doit être en train de pleurer sur son lit. Oh. Sur son lit? Sur son lit. Ça y est, c'est la calebasse. Mon mari. Mort, bien entendu. Oui. Signé Ribérol. Que dites-vous? Un coup de fusil, n'est-ce pas? Non. Comment non? Au galopant, il a dû tomber de cheval. Ah? Et sa tête a heurté l'arbre. Pas de coup de fusil, vous êtes sûr? Si. Tiens, tiens. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. La seule joie qu'il m'ait donnée. Ah. Vous connaissez le chêne Travers? Oui. Il était à 10 pas sur le chemin des Médicis. Au chêne Travers? Oui. Vous étiez seul? Oui. Naturellement, suis-je bête? J'aurais pas dû. Pas de blessure apparente? Non. Comment savez-vous qu'il est mort alors? Je me suis penché sur lui. Il ne respirait plus. Vous avez pu vous tromper? Impossible! D'où vous vient cette certitude? Ma tranquillité. Je respire. Je n'ai plus peur. Je sais que je n'aurai jamais plus peur. Pourtant, tout à l'heure, vous teniez tellement à ce qu'il vous tue! Je n'ai plus besoin de mourir maintenant. Et vous me dites ça à moi, tranquillement! Je ne mens jamais! Oui, mais vous allez pleurer, peut-être. Parce que vous l'aimez, peut-être. Non! C'était une mauvaise âme. Et j'ai tellement souhaité ce qui est arrivé. Je l'ai peut-être trop souhaité. Oui, peut-être. Vous croyez que je l'ai tué? Un gendarme ne doit jamais rien croire tout de suite. Je sais, brigadier, mais comprenez-moi. J'ai souhaité ce qui est arrivé, rien d'autre que ce qui est arrivé. Quoi donc exactement? L'accident, le jugement de Dieu. Ah bon, parce que vous croyez que Dieu s'est occupé de ça, hein? Je n'ai jamais tué personne. Non, bien sûr, mais comme je vous haïrais si je vous aimais, etc., etc., etc. Vous êtes trop fort, brigadier. Il est très fort. Voilà. Vous cherchez Madame de Quélus? En effet. Vous n'avez pas pu la rejoindre tout à l'heure? Non. Alors vous ne connaissez pas la nouvelle? N'oubliez pas que vous parlez à son frère, brigadier. Remarquez, ça ne sera certainement pas une nouvelle pour lui. Le coq, je vous trouve si vilain. Je ne suis pas si vilain que ça, monsieur. Seulement, on a trouvé votre frère mort à 10 pas du chêne Travers sur le chemin des Médicis. Ils n'ont pas le droit de vous arrêter. Je témoignerai qu'ils vous avaient menacé. Mon pauvre Sébastien, comme vous êtes maladroit. Je ne crois pas, j'essaie d'éviter une erreur judiciaire. Il n'y a jamais d'erreur judiciaire! Jamais! Le n'a pas été assassiné, il était victime d'un accident! Mais je le savais, mais en vous retrouvant ici avec ces messieurs qui voient des crimes partout. Tiens, tiens, vous le saviez? Oui. Vous avez vu votre frère? Oui. Comme vous mentez mal. Tiens, il ment mal. Je mens, moi? Où étiez-vous cette dernière demi-heure? Je n'aime pas le ton que vous adoptez pour me parler! Je n'adopte pas de ton, monsieur de Quélus, je pose des questions! Libre-moi de ne pas y répondre! Répondez, Sébastien! Vous voulez savoir où j'étais, vous aussi, au chêne Travers, justement. Ah, vous attendiez quelqu'un? Répondez! À vous, volontiers, je n'attendais personne, j'espérais vaguement quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Oh, très vaguement, je rêvais plutôt, j'évoquais de merveilleux souvenirs. Oh, je vous dis que vous mentez mal. Des souvenirs d'amour, peut-être? C'est inouï, à quel point ça ne vous regarde pas? On sait ce qu'on sait, vous détestiez votre frère! Cordialement! Il était détestable, vous savez. Vous ne voyez pas qu'il vous suspecte? Il m'a suspecté aussi d'un accident de cheval. Madame la comtesse et vous rentrerez au château et vous tiendrez à notre disposition. Mais certainement! Une chose est certaine, jamais un homme n'aura été aussi peu regretté de son frère et de sa veuve. Sa veuve! Après ce qu'il m'a fait et ce qu'il a fait aux autres, je ne serai jamais la veuve de cet homme. J'étais et je reste son ennemi. Si c'est un crime, condamnez-moi. Condamnez-nous! C'est clair, hein? C'est très clair. Allez, en route. Navarro, vous assurerez la permanence. Bien, j'ai. Trévisaine et Trévisou ira en tournée. Bien. Avec son camarade Guéritaine. Prévenez Cora, hein? Bien, chef. Un cadavre de baron. Vous le tenez, votre bâton de maréchal des logis? N'oublie pas ton paquet de pansements, hein? Pour qui, puisqu'il est mort? Pour toi, gourdaille. Et il y a du danger? Oui, il y a du danger. Et heureusement, je m'en croûtais. Au revoir, chérie! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment est-il si vite? Monsieur le comte est mort. Et le brigadier ne trouve pas ça naturel du tout. Mort ! C'est ce que je craignais. Aussi de M. Sébastien. Et maintenant, dites, je vous demande pardon. Et vous l'avez tué pour rien. Pour rien. Parce que M. Sébastien se moque bien de vous. Demandez plutôt à Suzanne Ribérol. Dites, je vous demande pardon. Parfaitement. Dites, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Madame la Comtesse. Madame la Comtesse. À la bonne heure. J'attends mon déjeuner. Moi aussi, je vous verrai à genoux. Devant les gendarmes. Dites à M. Sébastien de venir me parler. M. Sébastien n'est pas rentré. Pas rentré? Voulez-vous que j'aille le chercher? Chez Suzanne Ribérol? Dès ce soir, vous reprendrez votre chambre dans les communs. Ce soir, je ferai ce que je voudrai. Parce que vous serez en prison. À moins qu'on ne vous accuse, vous, inspecteur! Comment vous saviez? Je sais combien vous souhaitiez vous débarrasser du comte. Je vous hais! Je vous hais! Je sais! Merci! De façon de faire le ménage. Elle est charmante. Mademoiselle, quand vous aurez terminé votre travail, vous préviendrez Madame la Comtesse. Avec quel plaisir. Vous voulez nous dire quelque chose, mademoiselle? Demandez donc à Monsieur Sébastien de vous montrer son fusil. Il n'est plus au râtelier. Tiens, tiens. C'est ce que je pensais. Non, moi je pense. Toi, tu ne penses pas. Pour le reste, c'est pas la peine. Vous trouverez bien tout seul. Mademoiselle. Merci. Celle-là, c'est Justine. Oui. Je l'avais rencontrée à Romorantin. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Il est vrai que ce n'était pas son visage que je regardais. Ce n'est vraiment pas le moment, hein? Elle faisait partie des mouches-mets du comte? Oui, je me suis même laissé dire que c'est avec elle qu'il a passé la nuit. Oh, le vénard! Le vénard, oui, si on peut dire. Et alors, on ne peut pas la fouiller? Non, on ne peut pas la fouiller. Quel règlement idiot! Il n'y a pas de règlement idiot! J'aurais pourtant bien aimé. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. Carthéu, je te rappelle que nous sommes en service commandé et je te prie d'avoir la tête à ton travail. Où la tête y est? Tâchons de mériter notre chance. Nous avons un crime épatant. Un crime comme on n'en rencontre pas deux dans une carrière. Un crime pour adjudant, au moins. Vous pensez avec une victime de la haute? Je vais prouver à mon ami Robillard que nous ne sommes pas des guignols. Je ne demande pas mieux. Je ferai savoir en haut lieu qu'on a tort. On a bien tort de prendre le code pour un imbécile. En haut lieu, ils vous prennent pour un imbécile? Ouais. C'est pas une raison pour les croire tout de suite, hein. Je ne le permettrai pas. Je démontrerai à Comte de Metz qu'il a tort aussi de m'appeler Trouduc. Trouduc? Mais ça ne veut rien dire. Non, c'est une abréviation. Trouduc. Hein? On se demande vraiment sur quoi il peut se baser. Ben oui. Parce qu'enfin, il suffit pas de dire Trouduc, il faudra encore pouvoir le prouver. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas trop facile. Surtout que, comme tu vas le voir avec la comtesse, moi, J'ai l'esprit comme une ratière. Et tac, et tic, et tac, touché. Je l'ai remarqué, tout à fait comme une ratière. Tac, tac, tac, touché. Allez, au travail. Ce que vous avez l'air content. J'aime mon métier. Tiens, savoir le pourquoi et le comment des choses, même quand il s'agit de l'incendie d'une meule de paille. Oui. Dresser un procès-verbal, établir un signalement, écrire un rapport. Sans bavure. Vous croyez décidément que c'est la comtesse? Elle et lui. Évidemment, elle toute seule, ça ne serait guère possible. Elle n'était peut-être même pas là, si ça se trouve, elle s'est contentée d'armer son bras, comme on dit vulgairement. Une si belle femme. Tu te rappelles ce que je te disais? Ici, il n'y a que des types qui s'en foutent. Oui, mais ça, c'est le petit vin gris. Mais pas les Grecs, hein. Elle est grecque. Et pour un Grec, la tragédie, c'est la routine. Hein. Mais alors, on aura aussi des assassins de la haute. Ah, c'est presque trop beau. Hein. Ça devient un crime pour colonel. Ah, oui. Alors, de la tenue, hein, de la mesure et du doigté. Oh là là, surtout si par hasard, vous vous trompiez. Non. Tu sais ce que c'est, l'intuition féminine? J'ai entendu parler, oui. Eh ben, c'est une chose que j'ai. Eh ben, dites donc. Et c'est bon, ça? Tu vas voir, tu vas voir. Madame la comtesse descend. Merci, mademoiselle. Elle finit de s'habiller. S'habiller pour nous? Quel honneur! C'est elle qui l'a tué, j'en suis sûre! Nous verrons ça. Elle est folle de Saint-Sébastien. Pas en ce moment. En ce moment, je crois qu'elle le déteste. Toujours après le crime. Ah oui? Il faut en profiter! Et dressez le contre l'eau! Dites, vous voulez mon bicorne? Qui c'est le gendarme ici? C'est vous ou c'est moi? Je vous ai dit que nous allons voir ça! Nous allons voir ça, mais je dis. Oh, vous! Pendant que je lui parlerai, tu noteras son signalement, hein? Bien, chef. Sans qu'elle le remarque. Avec doigté. Voilà, c'est ça. Une seule chose m'embête, je ne sais pas bien la différence entre moyen et ordinaire. C'est très simple. Moi, je suis moyen, toi, tu es ordinaire. Ah, vous allez lui mener la vie dure. Il suffit de prouver qu'il s'aime et je les tiens. Tu as ton carnet de déclaration? Je l'ai. Tu noteras bien toutes mes questions, n'est-ce pas? Les réponses aussi? Non, non, c'est la question qui fait l'homme, pas la réponse. Surtout quand l'homme, c'est un gendarme. Brigadier, vous n'avez pas tort. Tu verras le parti que je vais tirer du fusil qu'on a perdu et de la lettre que nous avons trouvée. Pas possible. Parce que, tu comprends, mon petit, moi, je n'attends pas que les choses arrivent, moi, je les fais arriver. Oh, que c'est fort! Chut, la voilà. Messieurs, je suis à votre disposition. Je vous demanderai seulement de faire vite, car je n'ai pas déjeuné. C'est une chose que je ne peux malheureusement pas vous promettre, madame la comtesse d'ailleurs. Nous n'avons pas déjeuné non plus. Comme une ratière. Tac, tac, tac, touché. Pardon? Rien, rien. Ne vous occupez pas de moi, madame la comtesse. Vous allez tout de même m'autoriser à m'asseoir? Vous allez tout de même m'autoriser à m'asseoir? Ah oui, naturellement, naturellement. Pour vous faciliter les choses, je vous dispense des ménagements et de la courtoisie qu'on doit à une veuve. Je ne suis pas veuve. Je vous l'ai déjà dit. Le comte de Caylus était un homme indigne qui ne repose jamais en paix, ainsi soit-il. Oh. Madame la comtesse, vous... Je voudrais vous poser quelques questions, madame la comtesse. Vous nous avez bien dit que vous aviez trouvé... Vous nous avez bien dit que vous aviez trouvé monsieur le comte à 10 pas du chêne travers. Oui. Sur le chemin des Médicis. Oui. Vous avez ajouté qu'en galopant, le comte était tombé de cheval et que sa tête avait heurté l'arbre. C'est ce que j'ai cru sur l'instant. Qu'il ne respirait plus et ne portait pas de blessure apparente. En effet. Eh bien, madame la comtesse, tout cela est inexact. Mon mari n'est pas mort? Si, je n'ai même jamais rencontré quelqu'un d'aussi mort. Oh, vous voyez bien. Seulement, il n'est pas tombé de cheval, sa tête se trouvait loin de toute espèce d'arbre. Il portait une blessure 13 apparente et il était sur le chemin de Malgarde. C'est impossible. Impossible n'est pas français. Comme une ratière. Enfin, je ne comprends pas. Je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez me répondre que monsieur le comte de Caylus s'est heurté l'occiput contre l'arbre et a rebondi pour s'aplatir le front sur une grosse pierre 50 mètres plus bas. Oui. Comme c'est naturel. Ça va bien, vous. Monsieur le comte de Caylus portait 2 blessures, une légère derrière le crâne, une profonde sur le front. Mais non! Et c'est justement la profonde que vous n'avez pas vue. Oh, toute cette action. Vous feriez mieux de dire la vérité. Je l'ai dit. Je ne le crois pas. Si vous l'aviez dit, il faudrait admettre que quelqu'un a profité de ce que monsieur le comte était mort pour le retuer. Comme c'est naturel. On voit ça tous les jours. Ah oui, vous avez menti? Menti? À vous? Quoi, à nous? Pourquoi à nous? Qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Moi qui vous parle, on m'a peut-être menti plus de 300 fois. J'en suis sûr. Mais je ne parle que de celle que je connais. Je suis peut-être l'homme auquel on a le plus menti dans le Loir-et-Cher. En somme, vous vous plaignez que je ne vous ai pas menti. Je vous préviens qu'on ne me paraît pas grand quand on me fait sentir que je suis petit. Je ne mens jamais, brigadier. Je n'ai jamais menti qu'à l'homme que j'aime. Ah, vous admettez que vous aimez quelqu'un? Je l'admets dans la conversation. Je ne l'admettrai pas dans un interrogatoire. Pourquoi? Parce que ma vie privée ne regarde que moi. En êtes-vous sûr? Oh, je sais. Vous auriez trouvé sûrement plus normal que je suive l'exemple de la comtesse Aurore. Mariée par raison à un Quélus. Non. Et qu'on l'a retrouvé quelques jours après, noyé, accroché par sa robe blanche au roseau de l'étang. Non, non, non. Ou celui de la comtesse Marie, qui se faisait lire pour se distraire les histoires des princesses malheureuses et qui est morte de résignation à 28 ans. Non, non plus, non plus. Ou celui de la comtesse Margot. J'aurais organisé dans la tour des orgies avec mes 4 servantes et la baronne de ma garde comme on me l'a demandé. Ah, le salon. C'est parce qu'il m'a ridiculisé, bafoué, dépouillé de mes biens, donné ses maîtresses pour amis que vous me croyez coupable. Vous étiez jalouse? Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas tort. De la marquise de Mandelieu, hein? Antoinette, elle est bête comme une bulgare. De qui alors? De Suzanne Rivérol. Tiens, tiens. J'allais le dire. J'étais jalouse de votre femme aussi, mais c'était stupide. Ma femme, pourquoi de ma femme? D'abord parce qu'elle est jolie. Ah, ben alors. Et puis. Je trouvais que Sébastien avait un peu trop de sympathie pour elle. Oh, oh, oh, oh. Ah oui? Quand elle venait au château, ils s'arrangeaient toujours pour bavarder ensemble un bon moment. Elle ne m'a jamais raconté cela. Je les avais même surpris une fois, dans le Beuvron. Dans le Beuvron? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien foutre dans le Beuvron? Ils lui apprenaient à pêcher la truite. Et vous avez cru ça, vous? Ah, c'était vrai. Elle avait enlevé ses bas et relevé sa jupe pour entrer dans l'eau. Elle avait enlevé ses bas et retroussé sa jupe devant lui? Nécessairement. Mais il ne pouvait pas pêcher la truite dans le Beuvron, allons voir. Il n'y a jamais de truite dans le Beuvron. Brigadier, je note aussi ces questions. Non, non, nous nous égarons. Oui. Madame la comtesse, j'ai la certitude que vous aviez donné plus que de l'espoir à Sébastien. On dirait que vous m'en voulez. Je sais même, comprenez-moi bien, je sais que vous avez donné une vraie raison de tuer à ce pêcheur de truite. Ah. Près du chêne travers, des lèvres qui frôlent des lèvres. Vous m'accusez de l'avoir embrassé. Ma foi. Et dans la forêt. Alors qu'il y a 1000 cachettes dans le château, qu'on se ferait que les oubliait. Oui, c'est ce que ma femme vient de me dire. En tout cas, brigadier, ce sont des choses que les femmes n'avouent pas. On vous a vu. Je peux vous dire que je l'aime. Parce que j'étouffe de ne pas pouvoir le dire à quelqu'un. Seulement, vous ne saurez rien de plus. Vous étiez sa maîtresse, naturellement. On ne peut pas gifler un gendarme. Non, non, non, non, non. Surtout non, pas un brigadier. Étiez-vous sa maîtresse? Je n'ai rien à répondre. Vous répondrez, vous savez, vous vous fatiguerez avant moi. Étiez-vous sa maîtresse? Imaginez ce qu'il vous plaira. Étiez-vous sa maîtresse? Vous m'exaspérez. J'y compte bien. Étiez-vous sa maîtresse? Je vous ai dit que je ne... Étiez-vous sa maîtresse? Oui ou non? Dans la même chambre, on n'est pas sous. Cora! En balai de question, posez tout prends tout permis, ma parole. Bonjour, chère madame, excusez-lui, il dit n'importe Cora, quoi. Cora, veux-tu rentrer à la maison immédiatement, Cora? Pour lui, il n'y a que deux sortes de gens, ceux qui sont en prison et ceux qui devraient y être. Cora, je te parle! Cora! Alors, on ne peut pas te laisser seul 5 minutes sans que tu fasses des bêtises. Tu m'avais promis que tu viendrais pas m'engueuler dans le service, c'est fou. Je ne pouvais pas prévoir que tu viendrais insulter les gens à demi. Madame, je vous demande de répondre à ma question. Il se met en nage pour vous embêter. Cora, madame. Éponge-toi. Je m'épongerai si je veux. Tiens, bonjour Edmond, vous n'avez pas bonjour, vu. Bonjour, Cora. Madame, répondez à ma question, je vous en prie. Madame, répondez à ma question. Mais elle a drôlement bien fait de ne pas répondre. En voilà, malhonnête. Je voudrais bien savoir la tête que tu ferais si un de tes collègues venait me demander ça à la maison. Mais vas-tu te taire? Je te foutrais dehors avant, coup de botte. Et tu n'aurais pas tort. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'empêcher de faire ce que tu fais. Quoi? T'empêcher de te tromper. Quand je me trompe, moi, j'ai mes raisons. Quand tu te trompes, tu as tes raisons, oui. C'est entendu. Quand je... Seulement, tu sais ce que Courbebaisse dit de toi. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Hein. Trop duc. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Hein. Alors ce n'est peut-être pas la peine de lui en fournir la preuve. Bon, ça va bien, ça va bien. J'ai dit ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Nous allons procéder autrement. On a tout à y gagner. On va procéder autrement. On va procéder autrement. Madame la comtesse. Madame la comtesse. Qu'est-ce que je disais? Madame la comtesse. Vous nous avez bien dit, il me semble que mon mari a eu un accident de cheval. Je l'ai dit, elle te dit qu'elle l'a dit. Eh bien, on a retrouvé Tamerlan attaché à un arbre. Et alors? Alors on ne se tue pas en tombant d'un cheval attaché. Il peut y avoir une victime sans qu'il y ait de coupable. Ah oui, une victime sans coupable. Hein. Et comment ça, s'il te plaît? Le suicide. Ah oui, bien sûr, le suicide. Il s'est suicidé à grands coups de tête sur les cailloux, hein, comme c'est naturel. Hein. Évidemment. Madame la comtesse, oh, je voudrais... Madame la comtesse. Très jolie, tu ne trouves Madame pas la... Madame la comtesse. Madame la comtesse. Madame la comtesse, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Madame la comtesse. Madame la comtesse. Je sais plus où j'en suis, mais tu m'abrutis. Voilà. Brigadier, voulez-vous que je vous aide? Oh oui, s'il vous plaît, chère madame. Je n'en demande pas tant. Vous nous soupçonnez, mon beau-frère et moi. Je ne sais plus que vous soupçonnez, madame la comtesse. Je pense, je crois, j'ai la certitude que vous êtes responsable de la mort de monsieur le comte de Caylus, monsieur Sébastien et vous. Il est fou, il est fou. Responsable comment? Alors, vous n'allez pas le prendre au sérieux, il vous accuse parce qu'il vous a sous la main. Cora, tais-toi ou va-t'en. À la maison, c'est toi qui commandes, je ne m'en plains pas. Je l'ai voulu comme ça, mais je ne te laisserai pas embêter le gendarme. Fais tes bêtises, fais-les. Brigadier, est-ce que vous nous croyez responsables involontairement? Involontairement? Non. Oh, oh, vous êtes fou, il est fou, assurez-vous, il est fou. Dans ce cas, voulez-vous me raconter mon crime? Quoi? Oh, oui, c'est ça, raconte-dire. Qu'on rigole un peu. Je ne crois pas que ça soit tellement rigolo. Nous verrons bien. Attends que je m'asseye. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Qu'est-ce que je disais? Eh bien voilà. Eh bien voici comment les choses se sont passées à mon niveau. Vous avez rendez-vous au Chêne Travers avec Sébastien. Vous pourrez dire monsieur Sébastien. Silence. Un rendez-vous décisif. Votre mari vous a menacé le matin même. D'autre part, Sébastien n'en peut plus de cette vie de mensonges et de dissimulation. C'est intéressant. Silence. Sébastien vous supplie probablement de partir avec lui. Vous lui accordez probablement un baiser. Monsieur le comte arrive, prévenu. Je sais même par qui. Explication plutôt orageuse. Monsieur le comte prend son fusil, il va vous tuer comme des oiseaux. Oh, ce qu'il raconte bien. Silence. À ce moment-là, Sébastien voit rouge, un grand coup de crosse sur la tête, et voilà, touché. Bravo. Très touché. Bravo. Touché. Très touché. Très bien imaginé. Comment vous ne protestez pas, mais moi je suis indignée. Si bien imaginé que je l'adopterais. Si j'étais coupable. Parce que vous n'êtes pas coupable? Désolée, non. Alors vous niez? Mais naturellement, elle nie. Mais alors comment expliquez-vous qu'en plus des miennes, il y ait des traces de pas de femme au Chêne Travers? Hein? Comment expliquez-vous? Hein? Comment? Il y avait des traces de pas d'homme aussi. Qu'est-ce que tu attends pour expliquer ça? Sébastien. Oui, mais Sébastien portait des bottes. Comment expliquez-vous que ça soit des traces de souliers ferrés? Comment tu expliques que je vais te foutre 4 jours à toi, hein? Comment t'expliques ça, hein? Comment t'expliques ça? Déjà le bras, brigadier. Tiens, voilà le pêcheur de truites. Le pêcheur de truites salue le chasseur Bredouille. Ah, je vous en prie, soyez poli, hein. J'étais poli le premier. Ah, pas tant que ça, vous ne m'avez pas dit bonjour. Que l'excuse. Vous arrivez bien. Comme presque toujours. J'ai besoin de vous interroger. Et moi, j'ai besoin de vous répondre. On vous a vu avec une femme. Ah, vous allez me questionner sur ma vie privée. Je regrette, oui. Trop dur. Brisons la brigadier passé pour discret en amour, c'est déjà manqué de discrétion. L'homme vraiment discret est celui qu'on croit insensible. C'est qu'on ne vous croit pas du tout insensible. Quelque malheureuse qui se sera vantée. Vous n'avez pas d'aventure dans le pays, peut-être? Brigadier, ma vie tient en quelques mots. Je suis un violon dont on n'a pas assez joué. Oh, oh, nous nous égarons. Carrément, carrément. Sébastien, le brigadier vient de s'apercevoir que vous êtes le mobile du crime. Bon, moi? Vous me flattez. Le mobile et l'exécutant. Ah, vous êtes déjà moins sérieux. Pour quelle raison? Par amour. Oh, vous êtes romantique dans la gendarmerie. Un amour partagé, j'espère. On m'accuse de vous aimer, mon frère. C'est ridicule, simplement. N'est-ce pas? Quand on sait que je détestais mon mari, que pourrais-je aimer dans un homme qui lui ressemble? Je lui ressemble, moi? De la façon la plus horrible. Vous n'avez pas toujours dit ça. J'ai peut-être menti, moi aussi. Enfin, je ne vous ai jamais menti. Vous avez fait ce que vous avez voulu. Seulement, moi, dans 8 jours, je rentre chez moi. Et je pense y porter le nom de Caylus plus dignement que vous et lui. Je ne vous laisserai pas partir. Ne m'approchez pas. Je ne te laisserai pas partir. Vous adressez à Justine ou à Suzanne Rivérol? Pourquoi Suzanne Rivérol? J'ai parlé de Justine aussi. Qu'ils sont gentils. Ah oui, c'est un peu compliqué peut-être, hein, non? Tu crois que l'amour est simple? Oui, je le crois. Tu le crois? Oh tiens, s'il me plaît. Non, on a des manières. Je vais avoir de l'autorité, moi, maintenant, hein? Mais moi, je trouve ça charmant. Quoi? Charmant, très charmant. Tu trouves ça charmant? 4 jours, tu me feras 4 jours, tu entends? 4 jours. Tu ne voudrais tout de même pas n'être qu'un gendarme? Si, en ce moment, si, de préférence, si. J'ai beaucoup apprécié votre petite scène d'amour. Je n'ai pas détesté la vôtre, non. Ça y est, tu vois, voilà, ça y est. Me laisse-toi voilà, tranquille. Je te dis que c'est pas eux. Merci, Cora. Oh, à votre service. Alors, ça marche? Ah oui, ça marche. Quand nous arrêtez-vous? Plus tôt que vous ne croyez. Ah, le plus tôt sera le mieux. Je ne compte plus que sur vous pour empêcher la comtesse de partir. Vous crânerez moins dans quelques minutes. Ah, décidément, votre mari ne peut pas me souffler. Et c'est qu'il vous prend pour un assassin. Ah, tout explique, oui. Où est votre fusil? Mon fusil? Vous ne comprenez pas? Mais si. Alors répondez. Mon fusil, je ne sais pas. Vous ne l'aviez pas tout à l'heure? Si, je pense, si, oui. Vous chassez sans fusil? Je ne chasse plus, je n'ai presque plus le temps. Oui, vous pêchez trop. Il me semble que vous ne l'aviez pas. Madame la comtesse, vous répondrez quand je vous interrogerai. Comment vous avez trouvé mon fusil? Vous donneriez cher pour le savoir, hein? Ce n'est pas possible. Vous auriez peur de le montrer? Moi, pourquoi? Nous pourrions trouver des traces sur la crosse. Je n'ai pas peur de ça. Madame la comtesse avait raison ce matin. Vous mentez mal. Mais défendez-vous donc! Mais comment? Ah oui, comment? Je ne suis pas sûr que ce que je crois soit la vérité, alors à quoi bon le dire? Mais allez toujours! On me l'a volé. Ah, naturellement. Ah, mais je n'accuse personne, mais je crois bien qu'on me l'a volé. Alors pourquoi ne pas en avoir parlé tout de suite? Je ne sais pas. On vous l'a volé. Et quand? Mais je ne sais pas. On vous l'a volé depuis tout à l'heure. Oui, oui, oui. Au moment du crime? Sûrement. Oui. Avouez-donc, malheureux. Vous n'êtes pas malheureux. Mais je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable. Vous avez tué votre frère et vous avez enfoui l'arme dans la forêt. Mais non. Il l'a tué, c'est ma faute. Je suis la seule coupable. Je l'aimais. Je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Donne-moi pardon, Sébastien. Si tu vas au bagne, je te suivrai. Et si tu meurs, je mourrai. Donnez-moi une poignée. Ça vois-tu? C'est une femme. Oui, mais on peut pas travailler avec des gens comme ça, moi. Ce genre de grec, ça me fout la trouille, moi. Jurez-moi que vous ne me reprocherez jamais ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que vous allez le regretter dans 2 minutes. À cause de Suzanne Ribérol? Je vous pardonne, Suzanne Ribérol. Je ne pense pas à Suzanne Ribérol. Je ne pense jamais à Suzanne Ribérol. Alors? Jurez! Oh, écoutez, jurez, moi j'en peux plus. Je jure. Vous ne regretterez rien. Rien! Même si je ne suis pas un assassin, même si je n'ai pas tué pour vous! Même! Eh bien, je ne suis pas un assassin. Ce n'est pas moi qui suis coupable. Bon, c'est très bien, c'est parfait, c'est parfait. On reprend tout à zéro! Et il y a aussi la possibilité que je te foute 4 jours. 4 jours, hein? C'était pour dire, c'est ça, quoi? C'est pour dire. Est-ce que vous avez retrouvé son petit carnet? Son petit carnet? Un petit carnet rouge! Alors bon, là autre chose. Oui, il était l'état exact de ses conquêtes et le mettait à jour tous les matins. Quelle comptabilité! Quand il avait cédé, il faisait suivre leur nom d'une croix. Quand il espérait seulement, c'était 1 point d'interrogation et 2 points d'interrogation quand il ne savait vraiment pas quoi s'en tenir, c'est ça? Exact. Il ajoutait même une croix chaque fois qu'elle cédait. Trouvez-moi ce carnet. Il est probablement à côté dans son tiroir. Cartahu va vous accompagner. Même s'il faut forcer le tiroir? Cartahu a fait ça toute sa vie. Ah oui? Cartahu, le travail d'un voleur. Vous m'en voulez de pas être coupable, hein? Pourquoi t'acharnes-tu contre Madame de Quay? Parce qu'elle a menti, qu'elle a certainement une bonne raison de mentir. Mais quand elle mentit? Quand elle a inventé cet accident. Mais je vous ai dit qu'il était tout à fait comme s'il avait eu un accident. La tête contre l'arbre, les bras en croix. Je vous répète qu'il n'avait pas la tête contre l'arbre ni les bras en croix. Nous avons retrouvé le carnet, mais il a fallu projeter le tiroir. Ce fut un jeu d'enfant. Oui, la solution est peut-être là-dedans. Oh! Ah! Ah. Oh! Qu'est-ce que ça signifie exactement, les croix? Celles qui cèdent. Ah, eh bien, rien qu'en septembre, Justine en a 14. Oh, on ne peut pas appeler ça céder. Surtout que le mois n'est pas terminé. Et dire que je ne l'ai même pas fouillé. Angèle, 2 seulement. Ça vaut pas plus. Madame de Malgarde, une toute petite. La seule qui est vraiment aimée. Et cette pauvre Léonie, pas de croix depuis juillet. C'est égal 17 croix en 12 jours, c'est un homme qui va manquer. Tiens, un point d'interrogation. Pour qui? Suzanne Ribérol. Ah, vous voyez qu'il espérait. C'est bien fait, c'est bien fait. Cora, il t'a inscrite aussi. Moi? Oui. Avec 2 points d'interrogation, j'espère. Oui. Ah bon. Seulement, il en a rayé un. Il en a rayé un? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose déjà assez de questions comme ça, hein, alors... Ne me dis pas qu'il espérait! Ah, il espérait tellement peu qu'il a commencé de rayer le second. Alors là, c'est un menteur, fais voir! Idiot! C'est le trait de l'épicière! Ah, je pensais, ma foi, vrai, il a tellement rayé l'épicière qu'il a pas dit rayer! Fallait-il qu'il soit content de l'avoir rayé? Comment est-elle, cette épicière? Tu crois vraiment que c'est le moment, non? Non, chef. Tu avais raison, c'est un crime pour colonel, au moins! Mais vous croyez toujours que c'est la comtesse? Plus que jamais. Très fort le coup du carnet. Très fort. Madame de Malgarde vient d'arriver. Qu'elle entre. Avec Suzanne Ribérol. Qu'elle entre aussi. Quand vous les aurez introduites, vous nous tiendrez un peu compagnie. Avec plaisir. À quoi penses-tu? Je pense, moi? Mais ne te fâche pas, je croyais. Vous Vous aurez tort de l'arrêter. Je sais bien que tout est contre lui, mais c'est un brave homme. Il faut se mettre un peu à sa place. Vous savez, je ne comprends absolument rien à ce que vous dites, moi, hein. Je ne l'aime plus, mais ça n'empêche pas d'être juste. Il était déjà furieux que le comte lui ait pris sa femme. Ah, le comte lui avait pris sa femme, qui ça? Quelle femme? Moi. À vous, sa femme. À vous, vous voulez parler de votre mari, monsieur de Malgarde. Et de qui voulez-vous que je parle? Ah, je ne sais pas, moi. Oh, ce qu'il était furieux. Il disait que ça ne se faisait pas, surtout entre voisins de campagne. Il voulait déjà le tuer à ce moment-là. Allons, bon, voilà autre chose. Mais alors, quand il a appris que le comte y avait aussi pris sa sœur. Ah bon, le comte lui avait aussi pris sa sœur. Ah, mademoiselle de Malgarde. Hier soir. Ça, c'est bizarre, il ne l'a pas noté, alors. Voyons, rien ne prouve qu'il soit revenu pour tuer le comte. Ne l'arrêtez pas, je vous en prie, ben, pas encore. Je verrai. Oh, vous n'allez pas faire ça. Non. Mais que je sois déshonoré en plus du chagrin que j'ai. Non. Ma pauvre jeune fillette. Oh, tu es bonne, toi. Ah ben ça, alors. Vous n'avez rien à dire, madame Riderol? Moi, je m'en fous. Non, mais dites donc. Je suis perdue. En tout cas, ma vie est finie. Alors, ils peuvent bien se mitrailler ou s'assommer à grands coups de pierre. Maintenant, il ne peut plus rien m'arriver. Mais si. Mais non. En perdant Hector, j'ai tout perdu. Je n'étais heureuse que parce qu'il vivait. Dès qu'il n'a plus été là, mon amant m'a remercié. Il ne m'a même pas donné mes 8 jours. Je ne nomme personne, mais il y en a qui doivent se sentir gênés. Ah oui? Qui? Seulement, vous auriez tort d'arrêter monsieur de Malgarde. Parce que c'est elle! C'est elle qui l'a tué! Stop! Bon, je reprends tout à zéro, hein? Jusqu'à maintenant, j'ai été dépassé par les événements, mais je vais un peu les faire arriver. Vous allez vous servir de la lettre? Observe bien la comtesse Daphné. Elle va porter les mains à son corsage. C'est toujours là qu'elles mettent leurs lettres. Je dirai 2 ou 3 phrases, elle tombera raide, évanouie. Vous êtes sûr? Ça ne rate jamais. Il n'y a pas à hésiter. Jusqu'ici, nous n'avions que des présomptions. Maintenant, j'ai mieux. J'ai une preuve. Une preuve? Une preuve. La personne qui a perdu cette preuve est l'assassin ou son complice, en tout cas. Et cette preuve, c'est? Une lettre. Et cette lettre, je vais vous la lire. Les 2 premiers mots sont assez innocents. Ma chérie. C'est la mienne! Allons, bon, là, autre chose. Elle est évanouie. Mais qu'est-ce qu'il lui manque quelque chose à celle-là? Pas moi. Non, bon, voilà une idiote, je n'avais même pas regardé. Où suis-je? Non, pas à notre époque, ça, en 89, ça marche plus, ce truc-là, hein? Ma lettre, que je fais de ma lettre? Oh, la voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tant d'histoire, c'était un petit billet sans aucune importance. Je continue, le début est déjà plus intéressant. Ma chérie, je ne sais pas pourquoi, on ne se voit plus. C'est la mienne! Encore une idiote! Bon, eh bien moi, je sens que je commence à m'énerver, hein? Je vous comprends, chef. Mais de quoi elle se mêle, celle-là aussi? C'était pas elle à s'évanouir! Je pourrais! Bon, c'est entendu! Mon Dieu, qu'ai-je fait de ma lettre? Non, écoutez, perdez l'habitude de me demander ça à moi, hein? Mon Dieu, que je suis bête! Vous aussi, c'est rassurant. Je me souviens où je l'ai rangée. Je continue, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi on ne se voit plus. Si vous ne venez pas, je ferai une bêtise que vous regretterez. C'est la mienne! Ferme tes yeux, fille, cette fois! Bon, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, elle. Elles tombent comme des mouches, laisse tomber, hein? Bien, chef! Seulement, elles finiront par me faire tomber. Par me faire tromper. Je finirai par faire une bêtise que vous regretterez, même si je dois vous perdre en la faisant. Mais c'est pas ma lettre, ça! Mais enfin, qui vous dit le contraire? C'est pas ma lettre du tout! Il ne m'a jamais écrit ça! Mais ma parole, elle m'engueule! Oh, ben merci à moi, la lettre imbécile! Vous ne pouvez pas tomber évanoui comme tout le monde et nous laisser travailler tranquillement, je continue. Même si je dois vous perdre en la faisant, il ne faut jamais pousser un homme à bout, surtout un homme comme moi. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis capable de tout et que je saurai me débarrasser de votre mari. Dois-je lire la suite? Ce n'est pas la peine, j'avoue. C'est moi qui le tue. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement idiot! J'avoue, n'insiste pas puisque j'avoue, c'est moi. Eh ben, on peut dire que vous les faites arriver, les événements. Mais vous n'aviez aucune raison d'écrire cette lettre à ma femme! Et aucune! Aussi elle est d'Hector! Ah? Mais Hector non plus n'avait aucune raison! J'ai essayé de me faire chanter. Te faire chanter, toi? Il voulait me foutre une croix sur son carnet. Et alors? Il se servait de ce qu'il savait. Mais qu'est-ce qu'il pouvait savoir sur toi? Des choses. Des choses? Quelles choses? Nous pourrions peut-être nous retirer. Je vous remercie, je ne vous ai pas ménagé, je ne me ménagerai pas non plus. Quelle chose? Si tu crois qu'on peut faire chanter une femme honnête. Tu n'es pas une femme honnête, toi? Depuis que je suis ta femme, si, la preuve. Et tu n'as pas cherché à le décourager d'abord? Bien sûr, j'ai pris la chose à la blague, je plaisantais. Je lui disais qu'on ne sent pas bien dans la position couchée. Et ça n'a pas suffi? Oh non, moi tu sais, je plais ou je plais pas, mais quand je me mets à plaire, c'est de la folie. Exact. Alors comme il me voulait, il m'a menacé de tout dire. Mais de tout dire quoi? Mon passé. Une femme de gendarme n'a pas de passé. Oh, oh mon pauvre vieux. D'abord, je ne suis pas ton pauvre vieux. C'est l'enquête qu'on a menée sur moi qui t'a rassuré. Parfaitement. Il ressort de l'enquête que nous avons menée tant à Paris qu'à Brest qu'à Marseille que Mademoiselle Cora Lespard a toujours eu une conduite au-dessus de tous éloges. Signé le commandant de la section. Puis s'il ment aussi les commandants de section. Allons, allons, allons, allons. Enfin, quoi, au-dessus du grade d'adjudant, un gendarme ne ment plus jamais, allons. Lui, si. Parce que j'ai souffert de ne pouvoir te raconter ma vie. Mais j'ai des excuses, tu sais, je descends d'une longue lignée de pas grand-chose. Puis j'ai pas eu de père. Alors je ne me défiais pas assez des hommes. L'éternelle histoire. La première fois, je voulais savoir. La deuxième fois, je ne voulais plus rien savoir. Mais on se fatigue. Il demandait, je refusais. Un jour, j'ai cessé de refuser. Oh, j'ai un drôle de catalogue. Tu les as aimés? Aimés. La fille qui fait payer son amour vend ce qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que tu dis? Exercice de jeu illicite sur la voie publique, loi du 27 mai 85. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai jamais demandé pourquoi je m'étais un peu tuée. Et les raisons qu'on a de faire ça sont jamais très jolies. Et le comte de Caylus était au courant? De tout. Comment le savait-il? Par Combemesse. Et Combemesse? Directement. Et j'ai eu droit à une enquête signée Combemesse? Oui. Et c'est cet homme-là qui m'appelle Trouduc? Le lieutenant de gendarmerie, il sait qu'un homme de sa section va épouser une fille perdue. Non seulement il ne l'en avertit pas, non seulement il est témoin au mariage, mais il se sert avant de marier. On ne me fait pas honte. Sans se demander si cette fille avait vraiment l'intention de redevenir une brave femme, il l'oblige à se remettre au travail. Oh, sois pas méchant. Et non content de cela, son exploit de salaud, il le raconte. Et il me mute mon cheval! Oh, mon pauvre Toto. Il est lieutenant de gendarmerie, bien vu de ses chefs et de ses hommes, proposé pour l'avancement. Il a raison de m'appeler Trouduc. Moi, je croyais à des bêtises, l'honneur, l'honnêteté, l'amour, la gendarmerie. À quoi est-ce que je vais pouvoir croire après ce qui m'est arrivé? Mon chéri. Je t'en veux pas, Cora. Tu es ma bonne femme. Tu as fait ce que tu as pu pour le rester. Oh, je te le jure. Tu as lutté, comme le chef de M. Seguin. Seulement toi, tu as tué le loup. En êtes-vous sûr? Comment? Ah oui, comment? Nous allons le savoir. Asseyez-vous tous. Je reprends tout à zéro. Comment vous appelez-vous? Oh, sans blague. Cora, ce n'est plus le mari qui te parle, c'est le brigadier. Inscrit, écarté. Bien, chef. Mais c'est un cas de légitime défense. Oh, merci, Edmond. Comment vous appelez-vous? C'est la première fois qu'on le dit, vous. Courage, Cora, nous nous tirerons de là, tous les deux ensemble. Maintenant, il faut répondre. Cora Lespard. Femme Lecoq. Où et quand êtes-vous née? Le 6 juillet 54, rue des Gravilliers. De qui? De père inconnu et de mère trop connue. Racontez votre version du drame. Eh ben voilà.